un père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Susie Morgenstern et je vais vous raconter l'histoire de la petite souris de nuit avec un léger accent américain. Ça lui est arrivé à 12h13. Elle a croqué dans sa pomme qui est devenue rouge, sang. Gabrielle est effrayée. Si elle saigne, va-t-elle mourir? Qu'est-ce qui se passe? Elle a vu papy qui enlève toutes ses dents d'un seul coup avant de se coucher. Il les place dans un verre d'eau sur sa table de chevet et commence immédiatement à ronfler. Est-ce qu'elle va être édentée comme papy? Quand elle compte ses dents, il n'y en a que 19 au lieu de 20. Elle ouvre grand la bouche et voit l'espace en bas, devant, là où sa dent avait sa place. Une belle incisive. Partie! Partie où? Bien qu'elle ait presque 7 ans, Gabrielle ne s'y attendait pas. Elle pensait que les dents étaient comme les jambes et les bras, ancrées dans son corps pour toujours. C'est seulement maintenant que sa mère lui explique que les dents de lait tombent pour faire de la place aux dents définitives. Les dents des grands, pas aussi belles et souvent de travers. Pourquoi on n'explique pas tout ça avant que cela n'arrive? Gabrielle a eu trop peur. Et les dents de papy? Des fois, elles retombent quand on est vieux. C'est maintenant que sa mère parle de la petite souris. Elle vient dans la nuit pour échanger la dent de lait contre des pièces de monnaie. Mais maman, il y a un problème. Je ne l'ai pas, j'ai avalé ma dent. Comment échanger quelque chose qui ne sera pas sous mon oreiller? Oui, c'est un problème. Ah, je vais lui écrire une lettre pour expliquer la situation. J'espère qu'elle va me faire confiance. Gabrielle n'a pas d'expérience dans la rédaction de lettres, mais elle s'applique. Chère petite souris, il n'y a pas de dents parce qu'au lieu de la cacher, je l'ai avalée. Au lieu d'être sous mon oreiller, elle se balade quelque part dans mon intestin. Je vous jure que c'est vrai. Puisque vous êtes magique, pouvez-vous la retrouver? Merci et à bientôt pour les 19 autres dents. Veuillez, chère petite souris, recevoir l'expression de mes meilleurs sentiments. Gabrielle. Elle a copié la fin d'une lettre qui traînait sur le bureau de sa mère. Gabrielle voulait attendre la petite souris pour lui parler de vive voix, sauf qu'elle s'est endormie. Il pleuvait le matin. Et elle a failli oublier de regarder sous son oreiller aplati par son sommeil si lourd. Elle avait presque peur de regarder, peur d'être déçue. Quand son courage est remonté à la surface, elle a soulevé l'oreiller et voilà qu'il y avait une enveloppe. Elle l'a secouée et oui, il y avait 2 pièces d'1 euro. Et une brosse à dents rose toute neuve. Il y avait aussi une lettre. Les dents sont des bijoux, dans ta bouche un petit trou, contre quelques sous. Attention, il faut soigner tes dents, tu le sais bien, c'est évident. On ne doit jamais être négligent, Je te laisse aussi une brosse fine. Il faut de la discipline. Attention, brosse-toi bien les dents. Gabrielle est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la petite souris lui fasse la morale, comme ses parents. Elle va directement dans la salle de bain avec sa nouvelle brosse à dents. « Pourquoi faut-il se brosser les dents ?» demande-t-elle à sa mère. « Pour les garder propres et ne pas laisser installer des infections. » Elle met les 2 euros dans une boîte spéciale. Quand elle aura perdu toutes ses dents, elle aura 40 euros. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va en faire, mais ça lui fait plaisir d'être riche. Gabrielle n'aime pas se brosser les dents. Quand ses parents lui demandent « Tu t'es brossé les dents ?» il lui arrive de mentir en disant « Oui, oui ». Pourquoi est-ce que le fabricant des êtres humains exige un tel entretien? Se brosser les dents, se laver et même derrière les oreilles, se couper les ongles, enlever les nœuds dans les cheveux, aïe! Il y a bien d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie, n'est-ce pas? Quelques jours après avoir perdu la première, Gabrielle perd une deuxième dent juste à côté de la première. Le trou s'agrandit. Cette fois, elle ne l'avale pas et la place fièrement sous son oreiller. Elle aimerait perdre toutes ses dents d'un coup, tout de suite, pour pouvoir réaliser un rêve qu'elle n'a pas encore trouvé. Elle est déterminée à ne pas se laisser avoir par le sommeil. Elle attend la petite souris toute la nuit pour lui demander si elle lui ferait crédit pour les dents à venir. Mais la petite souris l'a oublié. Si c'est comme ça, Gabrielle fait la grève du brossage. « Je ne vais plus jamais me laver les dents », se dit-elle à voix haute. « Tant pis pour toi, tes dents seront noires comme celles d'une sorcière, avec des caries qui te font mal », crie sa mère. Sa maman la conduit chez le dentiste pour vérifier que les dents des vieux patientent bien là, en attendant de percer. La dentiste lui dit exactement comme ses parents. « Attention, pas de bonbons, pas trop de gâteaux et des aliments sucrés qui font les caries. »« Merci, » pense Gabrielle. « Et quoi encore? » Gabrielle est quand même inquiète que la petite souris l'ait oubliée. Surtout, elle sait d'un coup ce qu'elle va faire avec l'argent. Sa grève ne dure pas longtemps puisque la petite souris passe le lendemain. Il y a encore 2 euros et un poème. Il n'y a pas que les dents, mais aussi les cheveux, derrière les oreilles, le cou et les yeux. Pour laver le corps, il faut être sérieux. Prends un bain, prends une douche, tu sentiras bon quand tu te couches. Si t'es sale, alors t'es louche. L'hygiène et la santé, mets-toi ça dans la tête pour les chanter, sans plaisanter. Gabrielle a donc 4 euros. D'ailleurs, que fait la petite souris des dents qu'elle achète? La petite souris l'embête. Elle a envie d'écrire à la petite souris pour lui dire de laisser l'argent et de garder ses conseils pour elle. Gabrielle a déjà des parents qui ne la laissent pas tranquille avec leur « brosse-toi les dents » et leur « lave-toi les mains ». Les dents tombent. Les poèmes de la petite souris s'accumulent. Les sous aussi. Les dents définitives prennent leur place dans la bouche de Gabrielle. Ses dents de lait lui manquent. C'est trop tôt pour être une grande. bien, enfin le jour où elle va dépenser ses sous. Elle prend sa mère par la main et son père par le bras et les amène sans leur dire où. Ils entrent dans la pâtisserie salon de thé, croquer à belles dents. Bonjour. Et Gabriel commande 3 éclairs au chocolat et 3 chocolats chauds. Elle se lèche les doigts. Même ses parents sont d'accord qu'il faut se faire plaisir de temps en temps et la remercie pour cette surprise. Mais, disent-ils en chœur, quand tu auras toutes tes dents définitives, on va manger des carottes et des radis plutôt. Bof! Ses parents seront-ils ravis d'aller au marché bio au lieu de la pâtisserie? On verra. Chaque chose en son temps. Peut-être des carottes et des radis enrobés de chocolat. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit!